j'avais essayé de boucler un truc avec Reaper, mais c'est pas facile, hein. C'est un... J'utilise un VST de Reaper là.